toutes les espèces qui s'approchent de son récif, toutes sauf une, la crevette Mysidacea. Une crevette qui, par ses excréments, fertilise les champs d'algues. En contrepartie, le poisson demoiselle à longue nageoire lui offre une protection contre les prédateurs. Les chercheurs ont aussi remarqué que les poissons qui avaient des crevettes domestiquées étaient en meilleure santé que ceux qui n'en avaient pas. Merci beaucoup Natacha, à demain pour le journal des sciences de la semaine et le journal de la science-fiction. Que faites-vous un quart de votre temps éveillé? Alors non, ce n'est pas que traîner sur les réseaux sociaux, quoique, non, pendant 25% de votre temps d'éveil, vous vous parlez à vous-même. Ce langage intérieur a un nom, ça s'appelle l'endophasie. Et ce langage intérieur n'est pas que le parasite qu'il peut devenir lorsqu'il tourne en boucle au moment de vous endormir, il est absolument essentiel à vos fonctions cognitives. Il structure votre pensée, votre conscience de soi, mais aussi votre mémoire de travail, votre mémoire autobiographique, votre rapport à la lecture et à l'écriture, et bien sûr, chez le nouveau-né, le développement du langage oral. Mais qu'est-ce donc exactement que ce langage? Si c'est avant tout un outil de communication, un code d'échange extériorisé, peut-on vraiment parler de langage pour l'endophasie qui est parfois extrêmement développé, verbal et d'autres fois plus abstraite et condensée? En amont de l'endophasie, il y a un autre niveau, il y a la prosodie qui est notre petite musique intérieure. Écoutez ce qu'en disait le compositeur Darius Milhaud en 1952. Il est une question que je voudrais vous poser aujourd'hui. Vous qui avez composé une quantité fabuleuse de musique vocale, avez-vous un système de prosodie? Employez-vous des principes particuliers, des recettes à vous? Avez-vous, lorsque vous mettez un texte en musique, une idée préconçue sur la façon dont il va falloir le prosodier? Ou, au contraire, la prosodie se dégage-t-elle tout naturellement de la musique que vous concevez? Je vous répondrai tout de suite, grosso modo, en vous rappelant que je n'ai jamais de système ni d'idée préconçue, pas plus en ce qui concerne la prosodie qu'autre chose. Ce que je recherche avant tout, c'est l'expression poétique. Ceci dit, il est bien évident qu'à la longue, on doit en venir inconsciemment à appliquer certains principes, certaines tournures, si vous voulez, certaines formules qui vous sont par la suite devenues instinctives, naturelles. Mais je ne vois pas très bien au fond où vous voulez en venir. Eh bien, je vais vous le dire aussitôt. On vous a reproché d'adopter une prosodie syllabique très carrée, une prosodie ne tenant pas compte de ce que Ravel appelait la musique fugace et subtile de la langue française, et par conséquent de ne pas respecter la pulsation de cette langue. C'est en effet une musique fugace et subtile que celle de la langue française. Mais je vous ferai d'abord remarquer que ce n'est là qu'un aspect de la question. La langue française ne se présente pas toujours ainsi. Bien sûr, il y a dans notre langue une souplesse unique qui est due à cette espèce d'égalité des syllabes avec un léger accent sur la dernière ou l'avant-dernière syllabe. C'est peut-être là une porte ouverte à la liberté pour un musicien. Voilà la définition de la prosodie de Darius Milhaud par lui-même. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Hélène Levenbruck? Oui, mais merveilleuse archive qui explique ce que c'est que la prosodie du français en quelques mots. Donc, en effet, c'est cette accentuation sur les syllabes finales des mots. Et puis, qui me rappelle en fait ce que nous dit le chef d'orchestre, du petit orchestre d'amateurs dans lequel je fais partie, qui nous dit souvent qu'on a des difficultés, nous les Français, à jouer certaines œuvres composées par des anglo-saxons dans lesquelles la langue est accentuée à l'initiale des mots. Et donc, souvent, on va avoir des rythmes de musique qui sont accentués sur le début des mesures musicales. Et nous, les Français, on a du mal à faire cette accentuation en début de mesure. Donc là, on a ce lien très fort entre musique et langage qui était déjà perçu par Darius Milhaud. Donc, merveilleux. Mmh. Oui, et puis on sait, et puis on reparlera des langues étrangères, mais qu'effectivement, les Français qui apprennent des langues avec des accents toniques ont souvent du mal à les interpréter ou en tout cas les ajouter à leur diction parce que l'accent tonique en français est effectivement systématiquement sur la dernière syllabe. Ce qui est intéressant aussi, ce que je trouve dans cette archive, Hélène Levenbruck, c'est qu'on entend en plus de la prosodie, une musicalité de la langue des années 50 qui n'est plus du tout la même que celle d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. C'est vraiment quelque chose d'assez fascinant de voir comment en 50 ans, enfin un petit peu plus maintenant, on a révolutionné notre façon de parler sur le choix des mots, sur le choix de la syntaxe, qui est quand même, il me semble, qui était plus riche à l'époque, et puis aussi sur une façon de déclamer, de prosodier, de scander, qui était vraiment différente. Dans tous les reportages que vous nous faites écouter à chaque fois, je suis saisie par cette évolution de notre prosodie. On va voir hein, qu'entre la prosodie et l'endophasie, c'est-à-dire le langage intérieur, il n'y a qu'un pas ou un pont, en tout cas, que nous allons franchir dans quelques minutes. Mais avant de commencer, Hélène Levenbrück, vous faites hein, lors de vos interventions ce que vous appelez des impromptus scientifiques et vous vouliez en faire un pour débuter cette émission. On a choisi une musique qu'on va lancer et puis je vais vous laisser faire cet impromptu. Alors, pour entrer dans la définition de la parole intérieure, je vous propose d'abord une expérience introspective qui est inspirée de celle que je fais avec le comédien Michael Chouquet du groupe N plus 1 des ateliers du spectacle. Et donc, je vais vous demander de commencer par essayer de retenir cette liste de mots essentiels que je vais vous prononcer maintenant. Donc, écoutez-les bien et retenez-les. Musique. Théâtre, noix, éléphant. Alors, pour essayer de retenir cette liste de mots essentiels, est-ce que vous vous êtes entendu les répéter en boucle? Et ces mots que vous avez répétés en boucle intérieurement, est-ce qu'ils étaient prononcés avec votre propre voix, avec votre timbre? Est-ce que vous avez entendu une intonation, une prosodie? Et cette voix que vous utilisez pour retenir des listes de mots, est-ce que c'est votre voix? Et si c'est votre voix, est-ce que c'est la même que celle que vous aviez à l'âge de 10 ans? Ou est-ce que votre voix intérieure évolue avec l'âge? Voilà, cette expérience, elle permet de commencer à prendre conscience de la petite voix qu'on a dans la tête, ce qu'on appelle donc la parole intérieure ou l'endophasie. Effectivement, c'est intéressant. Une question à ce propos, je me souviens d'une étude publiée il y a peu de temps qui nous avait beaucoup fait parler dans l'équipe de la méthode scientifique et qui expliquait que certaines personnes n'avaient pas de voix au sens vraiment de dialogue, donc cette voix intérieure que vous venez de mettre en lumière avec votre expérience, mais fonctionnait plutôt avec des images. Tout le monde a une forme de voix intérieure ou est-ce que certaines personnes fonctionnent différemment? Alors, on fonctionne tous différemment sur la façon, sur nos expériences intérieures. Il y a un chercheur américain qui s'appelle Hurlburt qui a fait des sondages pendant une trentaine d'années pour essayer de mieux décrire l'expérience intérieure de chaque individu. Et il a montré que, contrairement à ce qu'on peut croire, quand on fait des sondages un petit peu trop rapides, il y a tout le monde n'a pas une petite voix intérieure en fait. Donc c'est vrai que quand on parle de son expérience intérieure, de ce qu'on a dans la tête, on va utiliser des mots et on a une forme de biais qui nous fait décrire ça comme étant des mots, de la parole, des pensées verbales. Mais en fait, on peut avoir une expérience intérieure qui soit basée plutôt sur des images visuelles ou sur des sensations. Donc, on peut avoir dans la tête des sensations de faim, de peur. On peut avoir des représentations qui sont autres que des représentations sonores, autres qu'une voix réellement. Ça peut être langagier, mais pas toujours avec vraiment la sonorité d'une voix. Et puis, certaines personnes ont une vie intérieure qui est plus qui comporte ni image ni son et qui est d'un ordre plus abstrait, qu'on a un petit peu du mal à définir et à comprendre, mais qu'on peut essayer de mieux explorer et qu'on explore de mieux en mieux parce qu'on sait, on commence à décrire un phénomène qu'on appelle la fantaisie, qui est cette incapacité à imaginer et en particulier à imaginer des scènes visuelles. Donc ces phénomènes-là, ce type de particularité individuelle-là nous aide à comprendre qu'en fait la vie intérieure peut prendre multiples facettes et que la voix n'est pas l'unique facette existante en effet. Justement, le camarade Renaud Guillemin, qui est, dont on parlait il y a peu de temps, puisqu'il est auteur d'une nouvelle traduction de Dune, publiée chez Robert Laffont, qui est un auditeur régulier de l'émission, vient de nous dire, voilà, bah, pour moi, pour retenir les mots que vous avez prononcés lors de votre expérience, de votre impromptu, Hélène Lovenbruck, il dit, moi, j'ai mis des images dessus. Donc, encore une fois, cette voix intérieure, elle n'est pas forcément verbale. C'est ce dont nous allons parler tout au long de cette émission. D'ailleurs, s'agit-il d'un langage à partir du moment où il n'est pas formulé, ça pose un tas de questions sur la conscience de nous, sur la mémoire, sur la façon dont on apprend également, et y compris l'apprentissage du langage chez les nourrissons. Et c'est le thème de notre émission du jour. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15, nous sommes donc en compagnie d'Hélène Lovenbruck tout au long de cette heure pour parler d'endophasie, de langage intérieur, cette conscience d'une voix intérieure, d'un dialogue interne. Cette conscience, elle n'est évidemment pas récente. Finalement, on en retrouve des traces dès l'Antiquité, Hélène Lovenbruck. Oui, tout à fait. Et même, on peut même dire que dès l'Antiquité égyptienne même. Hein, donc, évidemment, les philosophes grecs, Platon, s'y sont intéressés très, très tôt. Mais on a retrouvé des hiéroglyphes qui semblent indiquer que les savants égyptiens avaient déjà fait le lien entre la pensée et l'acte de parler. Et il existe un hiéroglyphe qu'on peut voir au musée du Louvre. On voit un homme assis portant la main à sa bouche. Et ce hiéroglyphe signifie à la fois l'acte de manger, l'acte de parler, et puis l'acte de juger, ou bien de raisonner, ou bien de penser. Mmh. Donc l'étude de la parole intérieure est très ancienne. Les travaux contemporains, en tout cas l'approche contemporaine, évidemment avant les neurosciences au XXe siècle, mais disons que les premières formalisations linguistiques de cette voix intérieure, elles datent de quand exactement? Il y a un marqueur à la fin du XIXe avec Georges Saint-Paul, c'est cela? Alors oui, tout à fait. Il y a en effet, Georges Saint-Paul a fait un énorme questionnaire d'introspection auprès de 200 personnes où il leur demandait de décrire leur parole intérieure ou leur vie intérieure de façon assez détaillée, assez intéressante. Alors ce questionnaire est évidemment biaisé par les méthodes de l'époque et par le fait que ce questionnaire était écrit, donc on va avoir tendance à rapporter la vie intérieure comme étant formée essentiellement de langage. Donc ça, c'était fin du 19e. Mais avant ça, il y a déjà eu des philosophes et des psychologues qui s'y sont intéressés et qui ont commencé à évoquer le fait que la parole intérieure pouvait avoir une nature motrice, impliquer la motricité. Il y a eu Alexander Bain en Écosse en 1855, Herrmann pareil dans les années 1850, donc ça remonte assez tôt. On peut même évoquer Paul Broca. 1860, quand il s'intéresse à l'aphasie et à l'impossibilité de parler à haute voix, il donne déjà la trace, il évoque déjà la possibilité d'avoir une endophasie, la possibilité d'avoir une voix non extériorisée. On pense aussi à Charcot, au philosophe français Taine. Donc il y a eu déjà au 19e siècle beaucoup de tentatives de description qualitative de la parole intérieure. Et puis, les descriptions un petit peu plus scientifiques et viennent plutôt, en effet, à partir du XXe siècle, milieu du XXe siècle. On évoquera tout à l'heure l'apport des neurosciences et des nouvelles méthodes, surtout des nouvelles technologies d'investigation du cerveau pour comprendre également comment ça se passe. Mais évidemment, on comprend bien, Hélène Lovenbruck, que quand on parle de ce langage intérieur, on parle de quelque chose qui est extrêmement difficile, complexe à appréhender. Quelles sont les méthodes qui permettent de mettre en lumière ces différents mécanismes et dont on vient de voir qu'ils sont précisément très individuels, très personnels et très distincts en fonction qu'il s'agisse d'une langue, d'une voix, de mots, d'images? Tout à fait. Alors, traditionnellement, les études anciennes qui ont commencé à être menées par les philosophes, puis les psychologues et les linguistes, ont été d'abord très basées sur la description qualitative et introspective, donc à base de questionnaires, d'entretiens, de sondages introspectifs. Et puis petit à petit, on a pu commencer à avoir des méthodes expérimentales qui permettaient d'avoir des mesures quantitatives de ce phénomène. Les méthodes quantitatives possibles, c'est en psychologie expérimentale faire des mesures de durée. Est-ce que ça prend le même temps de dire une phrase dans sa tête que de la dire à haute voix? Ça peut être l'étude des lapsus. Est-ce qu'on fait des lapsus quand on parle en parole intérieure? Est-ce que si je vous fais répéter un vire-langue comme « il fait si chaud chez ce cher Serge », si vous répétez ça mentalement, est-ce que vous allez faire des échanges entre « che » et « ce » comme vous le faites à voix haute? Donc tout ça, ça nous indique, ça donne des indications sur les processus de programmation de cette parole intérieure. Et puis on peut avoir des mesures aussi plus physiologiques, donc mesurer la respiration, mesurer l'activité électrique des muscles orofaciaux, des muscles des lèvres par exemple, en positionnant des capteurs électromyographiques sur les muscles des lèvres. Et si on recueille une activité, ça nous indique que le système moteur qui nous permet de produire des mouvements de parole est aussi activé pendant la parole intérieure. On peut faire de la neuroimagerie, c'est-à-dire regarder les réseaux cérébraux qui nous permettent de produire cette parole intérieure. Voilà, donc il existe un grand nombre de méthodes maintenant électrophysiologiques et en neuroimagerie qui peuvent être mises en place et qui peuvent être confrontées à des mesures plus introspectives et quantitatives. Et c'est ce qu'on a essayé de faire dans le cadre du projet Inner Speech, en collaboration avec le projet Monologué qui est mené à Paris par Stéphanie Smadja. On a essayé de confronter justement ces approches plutôt introspectives sur la base d'entretiens et de questionnaires qui ont été menés dans le cadre de Monologué avec nos approches plus quantitatives neuroscientifiques qu'on a menées à Inner Speech à Grenoble. On discutera un peu justement de ces approches expérimentales tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Je peux vous dire que par ailleurs sur le vire-langue, j'ai du mal à le dire en voix intérieure, j'imagine autant qu'en voix extérieure. Alors est-ce que ça fait de moi un cas particulier ou au contraire un cas général? Je ne sais pas. Peut-être une question intéressante, Hélène Levenbruck, c'est que vous dites que c'est votre apprentissage du russe qui vous a ouvert les yeux sur le fait que les mots d'une langue peuvent nous aider à nommer et à prendre conscience de nos états. Pourquoi le russe? Et puis, du coup, question afférente, est-ce que le langage intérieur varie en fonction du langage parlé et donc en fonction du contexte socioculturel et de la nature même de la langue qui est parlée? Oui, alors en effet, le russe est une très belle langue. J'ai eu la chance d'avoir un excellent professeur de russe quand j'étais au lycée. Et elle nous avait vraiment incité à lire la poésie russe. Et la poésie russe est pleine d'un vocabulaire très spécifique, avec des mots très précis pour exprimer un certain nombre d'émotions qui sont difficilement traduisibles en langue française. Donc chaque langue a ses particularités et a ses nuances pour exprimer les émotions, les sentiments, et puis pour exprimer bien, évidemment plein d'autres choses. Et donc c'est vrai que par le russe, je me suis rendu compte qu'il y avait certains mots qui étaient très précis en russe, qui nous permettaient de nommer certains sentiments, de les identifier, de les reconnaître. Donc voilà, donc ça nous indique que la langue va aussi jouer un rôle important sur la connaissance de soi, la connaissance de ses émotions, de ses sentiments. Et donc c'est intéressant de s'intéresser au cas des bilingues. Il y a un très beau livre de Elena Pavlenko qui s'appelle The Bilingual Mind, qui essaie de décrire ce qu'il y a dans la tête de personnes qui sont bilingues et comment leur parole intérieure varie en fonction du contexte dans lequel elles sont. Et donc, il y a eu énormément d'études qui ont été menées pour essayer de comprendre ça un peu mieux. Et en effet, ce qui semble être le cas, c'est que en fonction de la situation dans laquelle on est, en fonction des gens avec lesquels on est, on va utiliser, quand on est bilingue ou multilingue, on va utiliser une langue plutôt qu'une autre. Et ça va être le cas aussi en parole intérieure. Donc si on demande à des participants bilingues notamment chez les personnes émigrées, lorsqu'on leur demande de se remémorer des souvenirs, de le faire mentalement, et bien ces souvenirs, s'il s'agit de souvenirs qui étaient dans la langue, qui correspondent à des événements qui ont eu lieu dans le pays dans lequel ils étaient avant l'émigration, ils vont utiliser la langue du pays d'origine. Alors que si les souvenirs sont liés à des événements plus récents, là, ils vont se les remémorer dans la langue du pays d'adoption. Donc, en fonction de notre situation, du contexte, la parole intérieure varie. Et donc, le fait qu'elle puisse changer de langue nous indique effectivement que c'est verbal. Si on sait, si on demande à quelqu'un de bilingue s'il peut dire si sa parole intérieure est dans une langue ou l'autre, nous indique bien qu'elle est dans une langue. Et donc, il s'agit bien de verbalisation. Il y a une grande étude américaine qui avait été faite sur des populations d'origine européenne et asiatique et qui concluait que les participants d'origine asiatique utilisaient moins le langage intérieur et utilisaient un mode de pensée moins verbal. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait un lien avec la structure du langage parlé qui, du coup, induirait d'autres formes ou ferait varier les formes de représentation intérieure ? Alors, je ne sais pas si c'est lié à la langue elle-même, c'est possible. Moi, j'ai plus l'impression que c'est lié à des traditions philosophiques et religieuses. Il se trouve que dans les traditions philosophiques et religieuses occidentales, le langage, le verbe, a une place centrale et très mis en avant. Au commencement était le verbe. Mmh. Et c'est dans les trois grandes religions monothéistes, le langage a un rôle très important, alors que dans les traditions plus bouddhistes et taoïstes, ce qui est recherché, c'est un état de silence, de calme. La méditation, elle vise à se concentrer, à réguler les états mentaux pour atteindre la vérité suprême qui comporte le moins possible de langage, en fait. Et donc, il se peut que cet enseignement-là joue un rôle dans la vie intérieure des personnes asiatiques. En tout cas, ce qui a été montré par certains chercheurs, c'est en effet que si on demande à des participants asiatiques de résoudre un problème, donc à partir, vous savez, des matrices progressives de Raven, là, ce qu'on utilise dans les tests de QI habituellement, si on leur demande de résoudre ce type de problème en leur demandant de verbaliser à voix haute, les participants d'origine asiatique vont avoir du mal, alors que les participants d'origine, là c'était une étude faite aux États-Unis, les participants américains n'étaient pas du tout gênés. Donc il semble que le fait de verbaliser à voix haute les étapes de leur raisonnement ait empêché les participants asiatiques de faire la tâche. Donc que cette tâche, elle est pour eux pas faite avec du langage, en fait. Donc on a des façons de raisonner qui peuvent varier en fonction de notre culture et peut-être aussi de notre langue, mais c'est plus difficile à lier. Est-ce que on peut parler, Hélène Leuvenbruck, vraiment, puisqu'on parle de langage intérieur, si on part du principe que le langage est avant tout un outil de communication, c'est-à-dire un code d'échange vis-à-vis d'autrui, qui est fait donc justement pour être extériorisé, est-ce qu'on peut attribuer, nommer ce qui se passe, cette voix intérieure, est-ce qu'on peut en parler comme véritablement d'un langage ? Alors, il existe différentes formes de langage intérieur, en fait. C'est ça qui fait que toute parole intérieure n'est pas un langage, n'est pas exactement la même chose que le langage à voix haute. Ce qu'on a proposé dans le modèle Condialinde qu'on défend dans le cadre du projet Inner Speech, c'est que il y a trois axes de variation de la parole intérieure. Il y a un axe de condensation. Donc la parole intérieure, elle est plus ou moins condensée, plus ou moins développée. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va avoir des phrases entières dans notre tête qui sont construites comme les phrases qu'on produirait à voix haute. Et puis, par d'autres moments, c'est juste des bribes, des mots, et ils n'ont pas besoin même d'être complètement énoncés. On a une parole intérieure qui est un petit peu plus télescopée, si on veut. Donc ça, c'est le premier axe. Donc là, cette parole qui est très condensée, on pourrait dire que c'est pas complètement de la parole. En tout cas, elle est un peu différente de la parole à voix haute. Il y a un deuxième axe de variation de la parole intérieure qui est la dialogalité. En fait, on peut avoir des monologues intérieurs, le fait de se parler complètement à soi-même et d'avoir sa petite voix qui marche. Et puis, on peut avoir des dialogues, on peut avoir des conversations imaginaires. On peut imaginer la voix d'autrui et imaginer qu'autrui nous parle et avoir des formes de dialogue. Donc cela, ça ressemble en effet à la parole externalisée. Et ce qui avait été proposé par Vygotsky, c'était que petit à petit, dans le cadre du développement, On va avoir un discours qui est un discours privé. Donc, on peut voir, par exemple, des enfants qui jouent. Et si vous observez des jeunes enfants jouer, vous allez les voir avoir cette parole, ce discours privé qui est adressé à soi-même, qui est à voix haute. Et puis, petit à petit, l'enfant va apprendre à inhiber ce comportement et à parler dans sa tête. Et donc, ce monologue, le fait de se parler, vient en fait du dialogue. Et c'est intéressant. Intéressant parce que ça nous indique que quand on se parle, quand on a ces monologues intérieurs, on a cette capacité à prendre différents points de vue. Et surtout, ça pose la question de qui parle. Donc, c'est la question de la déponence de parler. Donc, ce qui a été très bien exprimé par Gabriel Bergogneau dans son ouvrage Le moyen de parler. L'expression « je me dis ». Qui dit dans « je me dis » ? C'est « je » et « je dis à qui ? » À « me ». Donc, qui parle ? Là aussi, c'est quelque chose de particulier qu'on a dans le monologue, dans la parole intérieure, mais qu'on n'a pas dans la parole à voix haute, externalisée et destinée à autrui. Donc, il y a une sorte de calque du dialogue et de la conversation qui a lieu dans la parole intérieure, mais où autrui devient soi-même, en fait. Donc, ces trois axes, ces trois voies d'expression, condensation, dialogalité, voilà, c'est un mot. Et j'ai oublié. Et l'intentionnalité, c'est ça, voilà. Il manquait l'intentionnalité aussi. C'est ça. Alors, l'intentionnalité, c'est aussi une grande question, en fait. Donc, il y a des tas de moments où on parle dans notre tête de façon complètement délibérée, intentionnelle. Donc, tout à l'heure, quand on a décidé de retenir cette liste de mots essentiels, on a décidé de parler dans notre tête. Mais il y a plein d'autres moments, là, quand vous êtes en train de m'écouter, vous êtes sûrement peut-être en train de vagabonder. Et sans le faire exprès, sans le décider, vous vous mettez à avoir des pensées qui vagabondent, qui divaguent. Et la petite voix peut se mettre à être active alors qu'on ne l'a pas décidé. Et donc, tous ces petits moments de parole intérieure non délibérée, non intentionnelle, ce qu'on appelle, nous, le vagabondage mental, sont très intéressants à étudier, mais très difficiles à étudier, bien sûr, puisqu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont arriver. On ne sait pas ce qui les déclenche. Voilà, donc c'est un autre axe très intéressant de la parole intérieure. Quand vous parlez de dialogalité, c'est vrai qu'on engage un dialogue avec soi-même. Parfois même, on peut engager plus qu'un dialogue, mais une discussion à plusieurs. Il peut y avoir plus qu'une voix intérieure, Hélène Levenbruck ? Oui, il peut y avoir des conversations, tout à fait. On peut imaginer des conversations à plusieurs et imaginer plusieurs voix. On est plus ou moins bon à ça, je crois. En tout cas, dans les questionnaires qu'on peut faire, les personnes disent qu'elles n'ont aucune difficulté à imaginer des voix d'autrui et d'autres disent que c'est plus difficile. On a fait une expérience, nous, dans le cadre du projet Inner Speech avec mes collègues Romain Grandchamp, Monica Batchou, Marcela Perron et tant d'autres que je n'aurai pas le temps de citer, dans lequel on a demandé à des participants d'imaginer que qu'un petit personnage, un petit avatar leur parlait. Donc on les familiarisait avec cet avatar qui avait une drôle de voix super aiguë qui parlait comme ça. Et puis, on mettait ces participants dans le scanner et on leur demandait d'imaginer que cet avatar leur parlait. Et donc, ils imaginaient des phrases prononcées avec la voix de cet avatar. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que on a vu à ce moment-là des régions cérébrales activées qui étaient vraiment spécifiques. Parce qu'on a comparé leur activité cérébrale quand ils imaginaient qu'autrui leur parlait, que l'avatar leur parlait. On a comparé ça avec quand eux-mêmes prononçaient des phrases dans leur tête, mais avec leur propre voix. Et donc, s'imaginer soit parler, comparé à imaginer que quelqu'un nous parle, ça ne met pas en jeu exactement le même réseau cérébral. Et surtout, il semble qu'il y ait un réseau cérébral, des activations cérébrales spécifiques au fait d'avoir cette capacité d'imaginer autrui en train de parler, donc de prendre la perspective d'autrui, qui sont liées donc à des activités dans le lobe pariétal supérieur droit, Donc, il semble qu'on soit préparé, qu'on ait un câblage qui nous permette de prendre la perspective d'autrui dans la parole, comme on le fait aussi dans l'action. Donc, il y a d'autres études qui ont montré qu'on peut imaginer quelqu'un danser, par exemple. Et quand on imagine quelqu'un danser, on va avoir aussi ce basculement hémisphérique droit dans les régions pariétales. Pardon, je m'étouffe. On va continuer à parler d'endophasie avec vous, Hélène Levenbruck. On va voir aussi les fonctions que peuvent avoir et revêtir l'endophasie. On va voir que c'est un outil essentiel à notre fonctionnement cérébral, à l'apprentissage aussi du langage, et ce sera l'objet du reportage chez le nourrisson. Et puis on verra également ce qui se passe quand ces petites voix commencent à devenir ou trop nombreuses ou parler trop fort, deviennent envahissantes jusqu'à la pathologie. Behind the Wave, Dorava sur France Culture à 16h37, comme toujours et depuis le début de ce deuxième confinement et de cette deuxième vague épidémique, en soutien à la scène musicale indépendante. Nous parlons d'endophasie, de langage, de nos voix intérieures, en compagnie d'Hélène Levenbruck, qui est directrice de recherche CNRS au laboratoire psychologie et neurocognition de l'université Grenoble-Alpes et de la plateforme Baby Lab. Justement, on va parler de cette plateforme et en tout cas de l'endophasie chez le nourrisson. Mais avant cela, Hélène Levenbruck, vous vouliez nous dire un mot, puisque vous êtes l'invitée de la méthode scientifique, sur ce que représente pour vous la méthode scientifique. Oui, alors je trouve le titre de votre émission particulièrement adapté. Peut-être que vous connaissez l'origine du mot méthode. Je vais vous laisser le développer. Vous le ferez mieux que moi. Donc, méthode, ça vient du grec ancien, donc méta, hein, après, au-delà, et puis odos, le chemin, la voie. Et donc les chercheurs, nous sommes des personnes qui ont une méthode, une voie à parcourir, un chemin. Et il se trouve que je connaissais pas l'étymologie, je l'ai apprise grâce justement au comédien du groupe N+1 qui s'intéresse aux scientifiques et à la façon dont ils explorent. J'ai participé avec eux à un projet Art Science dans lequel on s'est posé ces questions de qu'est-ce que c'est que la méthode scientifique. Et il me semble que ça montre que ce cheminement qu'on a, nous les chercheurs, il résonne vraiment particulièrement avec le cheminement des artistes, l'exploration, l'expédition des artistes. Je pense à ma sœur Pascale qui est une artiste et qui a des cheminements elle aussi entre danse et musique improvisée. Mon frère frère Henri qui cherche sa voie entre littérature et musique. On est impliqué dans mon laboratoire, le LPNC, dans un projet qui s'appelle Langue et musique de Baby Lab, où on expérimente dans des crèches avec des artistes musiciens grâce à l'association Médiart, où on essaye le plus possible de faire croiser ces cheminements, ces voies, ces chemins. Et on le retrouve aussi dans le projet d'ailleurs monologué de Stéphanie Smadja à Paris. Voilà, la méthode, c'est la poursuite, la recherche d'une voie, et votre émission est parfaitement adaptée à nos questions. Je vous remercie. On va poursuivre justement cette voie, la voie de l'endophasie et de vos travaux, Hélène Levenbruck. Et on va voir que ce langage antérieur a plusieurs fonctions cognitivo-comportementales, et l'une d'entre elles, et non des moindres, eh bien, c'est l'apprentissage du langage, puisqu'on trouve des signes d'endophasie dès le 10e mois chez le nourrisson, et c'est ce à quoi vous êtes intéressé, Antoine Beauchamp. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Oui, il s'agit de Sharon Peperkamp, qui est directrice de recherche CNRS au laboratoire de sciences cognitives et psycholinguistiques de l'ENS. Avec son équipe, Sharon Peperkamp s'intéresse à tout ce qui précède la production de la parole par les bébés, et notamment au moment où les bébés peuvent penser certains mots alors qu'ils ne sont pas encore capables de les prononcer. Sharon Peperkamp nous explique en quoi ont consisté les expériences ludiques réalisées au sein de son Baby Lab, des expériences qui ont permis d'établir qu'autour de 21 mois, les bébés sont déjà capables, en voyant des objets, de savoir si le mot correspondant est un mot long ou court, établissant du même coup qu'une parole silencieuse est déjà bien à l'œuvre dans l'apprentissage rapide du langage chez les bébés. Nous avons ici à l'école normale un Baby Lab, comme il y en a beaucoup maintenant un peu partout dans le monde. Et donc les parents, ils peuvent venir avec leur bébé. Donc on a une base de données avec tous les parents qui sont intéressés pour participer à nos tests, qui sont en fait plutôt des petits jeux pour les bébés. Donc ils viennent chez nous sur place. Et ensuite, il y a plusieurs façons de tester les connaissances des bébés. Soit on peut mesurer directement l'activité cérébrale avec une EEG, électroencéphalogramme. Et donc ça veut dire qu'on pose sur la surface du crâne un filet avec des capteurs. C'est parfaitement non-invasif. Donc ça permet par exemple d'observer si le bébé détecte une anomalie dans la forme ou dans le sens d'un mot ou d'une phrase. Et donc ça, c'est une façon d'étudier ce qui se passe dans le cerveau du bébé. Une autre façon, c'est d'observer directement son comportement. Donc évidemment, le bébé ne peut pas donner une réponse explicite, ne peut pas appuyer sur un bouton pour dire « j'aime plutôt ça que ça » ou « là, je trouve que c'est bien dit, là, je trouve que c'est pas », comme on le fait quand on teste des adultes. Mais on peut observer son comportement, son regard, son intérêt, sa surprise. Donc, je peux vous donner un exemple très simple. Donc, si on veut savoir est-ce que le bébé reconnaît certains mots, on peut par exemple le mettre devant un écran de télé. On montre deux objets, par exemple une chaussure et un ballon. Et on demande « Oh, regarde le ballon !» Et ensuite, si le bébé regarde l'image du ballon, on sait qu'il reconnaît ce mot-là. Mais ça devient déjà un petit peu plus intéressant si on dit « Oh, regarde le dallon !» Alors là, un ballon, c'est un ballon, c'est pas un dallon, mais est-ce que le bébé sait déjà, a déjà ces représentations très fines de la forme des mots? Et donc on a observé, pas nous ici, mais dans un autre laboratoire, que déjà à 12 mois, les bébés, ils hésitent un petit peu plus longtemps. Ils se disent, c'est pas ballon. Ou ils se disent, on n'en sait rien du tout, mais voilà, c'est pas vraiment ballon, c'est pas chaussure non plus, donc ça doit être ballon, mais ça prend un petit peu plus de temps. Et donc, le fait que ça prend un petit peu plus de temps, qu'il y a plus d'hésitation, ça veut dire qu'effectivement, ils savent déjà très bien qu'un ballon, c'est ballon et pas dallon. Et ce, à un stade où ils ne prononcent encore aucun mot. Ce que je viens de vous raconter sur ballon, dallon, en fait, c'est la reconnaissance des mots. Donc on sait qu'ils ont de très bonnes connaissances de comment les mots devraient être prononcés. Même quand eux-mêmes, ils prononcent très très mal, ou ils ne prononcent pas du tout. Et donc, on s'est posé la question, bon, on sait que l'articulation, c'est vraiment compliqué. C'est plusieurs dizaines de muscles qui sont engagés. Ça va très très très vite, l'articulation. Et en plus, il faut se rendre compte que les bébés, l'anatomie du bébé, du conduit vocal, est très différente de celle des adultes. notamment la langue chez le bébé, ça prend une place énorme dans la bouche. Et donc, il y a toute cette masse musculaire qu'il faut maîtriser. Et donc, c'est vraiment, c'est difficile d'apprendre l'articulation. Donc, on peut se poser la question, est-ce que les bébés, ils ont ce décalage dans la production des mots parce qu'ils ont des problèmes d'articulation, ou est-ce qu'il y a aussi un problème de générer les mots dans leur tête? Et donc, c'est ça ce qu'on a étudié avec une doctorante il y a quelques années. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a testé des enfants ou des bébés de 21 mois, donc c'est bien avant leur deuxième anniversaire, et on leur montre des objets sur un écran et ils entendent le nom. Et donc, ce sont des objets qu'ils connaissent. Donc, par exemple, ils voient un train, ils entendent « train ». Et ensuite, l'objet disparaît et il réapparaît une seconde plus tard, soit à gauche, soit à droite. Pour un mot comme « train » ou « fleur » ou « chat », l'image va réapparaître à gauche. Mais pour un mot comme « clémentine »,« pyjama », »,« toboggan », l'image va réapparaître à droite. Donc, vous avez compris. Donc, quand les mots sont courts, ils apparaissent d'un côté. Quand les mots sont longs, ils apparaissent de notre côté. Et donc, si les bébés apprennent ça, on passe dans une autre phase. Et maintenant, on va leur montrer à nouveau des objets, d'autres objets, mais dont on sait, parce que les parents nous ont dit, qu'ils les connaissent, mais qu'ils n'ont jamais prononcé les mots. Donc là, on est dans un cas extrême. Ils ne produisent pas du tout le mot. Et on montre ces objets, mais on ne dit plus rien. Donc on montre, par exemple, un parapluie, et comme avant, le parapluie va disparaître, il va réapparaître. Et maintenant, on mesure si le bébé regarde du bon côté, même avant que l'objet réapparaisse. Et donc si c'est le cas, ça veut dire que, étant donné qu'on n'avait pas mentionné cette fois-ci le mot, qu'il a généré, lui ou elle-même, le mot dans sa tête. Et en plus, il a fait une classification. Il s'est dit, c'est un mot court, c'est un mot droit, c'est un mot long, et donc ça va d'un côté ou de l'autre. Et donc, on a montré qu'effectivement, à 21 mois, les bébés, ils font ça, pas parfaitement bien, mais ils sont meilleurs que le hasard. Et donc, ça veut dire que, en fait, la différence entre la compréhension et la production de la parole n'est pas si grande qu'on ne puisse le penser. Donc, même avant d'essayer de produire un mot, les bébés sont déjà capables de générer ces mots de la même façon qu'ils sont capables de reconnaître les mots. Évidemment, on ne sait pas si cette façon de générer les mots, c'est aussi détaillé et aussi bien spécifié que dans la reconnaissance des mots. On sait juste qu'ils ont une idée sur la longueur. Mais est-ce qu'ils savent vraiment que parapluie, est-ce qu'ils génèrent vraiment le mot complet ou est-ce que c'est plutôt quelque chose d'approximatif? Ça, on ne le sait pas encore. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on se rend compte que très tôt, finalement, on a cette parole silencieuse qui nous habite et qui habite notre pensée. Oui, exactement. Et donc, c'est ça tout à fait le lien avec l'émission d'aujourd'hui, avec les travaux d'Hélène Leuwenbruck. Voilà donc les travaux sur l'endophasie chez les nouveau-nés. Peut-être une réaction rapide, Hélène Leuwenbruck, à ces travaux. Oui, je suis ravie que vous nous ayez fait écouter Sharon Peeperkamp et qu'elle ait pu décrire son expérience en détail, parce que c'est vraiment une expérience très, très judicieuse. C'est tellement difficile d'étudier la parole intérieure, encore plus chez le nourrisson. Et là, par ce paradigme de mots courts, mots longs, elles ont pu essayer d'entrer dans la tête des bébés. Donc, c'est une étude vraiment exceptionnellement intelligente et avec des résultats vraiment très intéressant pour essayer de mieux comprendre le développement du langage chez l'enfant. Et surtout, cette étude remet en question les anciennes théories, notamment celle de Vygotsky, qui disait qu'il n'y a pas de parole intérieure chez l'enfant avant 5 ou 7 ans. Ah, 5 ou 7 ans, d'accord. Ouais, je pensais que c'était 18 mois, autant pour moi. Ouais, et donc, parce qu'il disait qu'il y a cette phase de parole à voix haute, qui, donc ce dialogue privé, qui petit à petit va être inhibé. Alors, c'est vrai qu'il y a cette phase de parole à voix haute qui petit à petit est inhibée et que l'inhibition apparaît un peu plus tardivement, en effet, vers 5 ans. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant n'a pas déjà une parole intérieure. Et ce qu'a montré Sharon Peeperkamp et son équipe, c'est qu'en effet, il y a une forme d'évocation sonore mort, en tout cas, des mots par les enfants dès l'âge de 20 mois, ce qui est vraiment intéressant. Ce qui est assez passionnant également, Hélène Levenbruck, c'est que tous les travaux récents en neurosciences et notamment en neuroimagerie montrent quelque chose dont on a parlé d'ailleurs ici il y a peu de temps avec Lionel Nakache d'une autre façon. On parlait de cinéma intérieur cette fois-ci et on sait que lorsqu'on imagine et lorsqu'on rêve également, eh bien ça met en jeu des systèmes et des systèmes cérébraux qui ont lien avec la vision. De la même façon, notre dialogue intérieur, cette voix intérieure n'est pas si silencieuse que ça, parce que là aussi, elle implique des zones cérébrales qui sont celles de l'audition. Oui, tout à fait. Donc, quand on a quand on produit mentalement de la parole intérieure et qu'on produit une petite voix, donc c'est ce qu'on a montré nous par imagerie cérébrale, on voit une activité du cortex auditif qui est liée avec au fait qu'on entend cette petite voix. Et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est bien que vous fassiez le lien avec les travaux de Lionel Nakache. Donc lui, sa théorie, hein, c'est que on a toute une capacité d'imaginer et de produire du contenu. Et que les scènes visuelles, on va les compléter en fait par des prédictions. Donc, on est sans cesse en train de faire des prédictions qui vont faire qu'on va enrichir le contenu de nos scènes visuelles qui, elles, sont échantillonnées par des états discrets. Donc, notre cinéma intérieur, en fait, on le crée et notre système visuel, il est en permanence en création. Et en fait, dans la parole intérieure, c'est vraiment ça qui se passe. C'est-à-dire qu'on est en train de simuler un acte moteur et on va faire une prédiction du son que ça va faire. Et ça a l'air d'être un comportement qui est générique de l'être humain, c'est-à-dire qu'on a cette capacité de contrôle prédictif qui va faire qu'à tout moment, quand on fait une action, on prédit la conséquence de cette action. Et donc ça nous permet d'ajuster et d'avoir une prédiction qui arrive avant même le résultat de l'action, qui fait qu'on va pouvoir ajuster nos commandes motrices pour atteindre vraiment l'action. Donc, si je dois atteindre un verre qui est placé devant moi, à tout moment, je prédis le mouvement que je vais avoir et puis je corrige en ligne, puisque ma prédiction anticipe un petit peu le vrai résultat. Et donc, ce phénomène cette capacité qu'on a de prédire, ça explique, par exemple, pourquoi on ne peut pas se chatouiller. Si vous essayez de vous chatouiller le creux de la main, ben, ça ne vous chatouille pas, alors que si quelqu'un vient vous chatouiller le creux de la main, ça chatouille. Et en fait, c'est lié au fait qu'au moment où vous décidez de vous chatouiller la main, vous faites la prédiction de la sensation que vous allez avoir, la sensation tactile que vous allez avoir dans votre main. Donc, vous n'allez pas être surpris. Et du coup, ben, ça ne chatouille pas. Et donc, dans la vision, mais aussi donc, dans la production de paroles et de paroles intérieures, c'est ce système-là qui est mis en jeu. Et donc, la parole intérieure, ce qu'on a montré nous, ce qu'on a proposé nous, c'est qu'en fait, c'est cette petite voix, c'est une prédiction. C'est une prédiction du son que ça devrait donner. Et donc, ça donne lieu à une activité auditive. Et je pense à toutes nos auditrices et à nos auditeurs qui viennent d'essayer de se chatouiller la main pour vérifier ce que vous venez d'énoncer, Hélène Levenbruck. Et que se passe-t-il quand ce langage intérieur commence à dysfonctionner, quand cette voix ou ces voix deviennent invasives, qu'elles deviennent obsessionnelles, que l'on commence à ruminer, qu'on n'arrive plus à les faire taire, du plus simple ou du plus bédin, lorsque eh bien parfois sont ces voix qui nous empêchent de trouver le sommeil, au plus pathologique dans des cas de psychose? Alors, en effet, la rumination mentale, donc c'est le fait de ressasser des idées, des pensées verbales négatives. Ça nous arrive à tous, hein, quand on a raté un examen ou quand on a mal répondu à une question de Nicolas Martin, on va le lendemain ruminer et se dire « Mais pourquoi je n'ai pas dit ça ?» Et ça peut durer quelques heures, ça peut durer quelques jours, mais en général, ça s'arrête. Chez certaines personnes, ce phénomène s'emballe et donc les personnes se mettent à ressasser des idées négatives, des idées en général noires et sombres et n'arrivent plus à sortir de cet emballement de la parole intérieure. Ce qui nous pousse nous à mieux étudier ce phénomène, c'est qu'en fait souvent cet état ruminatif est précurseur d'états dépressifs ou de troubles anxieux. Et donc, ça peut aller même jusqu'à la dépression sévère. Donc, c'est important de mieux le comprendre. Donc, on a mené des travaux dans le cadre de la thèse de Ladislas Nalborsic dans notre laboratoire, en collaboration avec Marcella Perron et Céline Bayens du LIP, et puis en collaboration aussi avec l'Université de Gand en Belgique, où on s'est intéressé à ce qui se passe quand les personnes sont en train de ruminer. Et donc, on a étudié des participants sains et on a induit chez eux des ruminations par un procédé qui était assez pas très sympa. Donc, on leur faisait passer un test de QI qui était infaisable. Donc, ils faisaient ce test de QI, puis à la fin, pendant qu'on leur disait bon, nous allons calculer votre score, à ce moment-là, on les a laissés ruminer pendant un petit moment et on a mesuré l'activité des muscles de leurs lèvres pendant cet état ruminatif. Et ce qui est intéressant, c'est que alors que les participants ne bougeaient pas et qu'ils ne parlaient pas, en fait, ils avaient des ruminations, des pensées verbales, et on a pu mesurer une trace d'une activité musculaire dans les muscles des lèvres qui semble indiquer qu'il y a cette production, cette articulation qui est inhibée, puisqu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de parole, mais qui est programmée, en fait. Il y a une tension des muscles orofaciaux pendant la rumination. Donc, il semble que cette rumination, elle puisse engager le système moteur de la parole. Et donc, ça nous indique que il y a toute une implication du corps dans la rumination et notamment du système orofacial. Et donc, il peut être intéressant pour essayer de réduire ces ruminations, pour essayer de les apaiser, de travailler sur cette contraction musculaire labiale et de relâcher, d'avoir des séances de relaxation des muscles orofaciaux qui permettraient de réduire la rumination. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire aussi. C'est une solution mécanique, en quelque sorte. Voilà, une solution mécanique. Puisqu'il y a une implication du système labial pour ruminer, si on réduit l'activité musculaire labiale, peut-être qu'on peut empêcher la rumination. C'est ce qu'on a pu montrer aussi. En fait, on a fait des séances de relaxation après avoir fait ruminer les gens. Quand même, là, on était sympa, on leur faisait une séance de relaxation orofaciale. Et donc, ils écoutaient la voix d'une sophrologue et puis ils apprenaient à détendre les muscles de leurs lèvres, détendre tout le visage. Et en effet, après cette séance de relaxation, il semble que les ruminations semblent diminuer de façon assez conséquente. Voilà. Ouais. Ensuite, évidemment, il y a d'autres implications et on n'a pas le temps de les aborder, notamment, j'imagine, pour les patients schizophrènes ou pour les patients psychotiques. J'aurais bien aimé qu'on puisse avoir le temps de dire un peu en quelle mesure vos travaux pourraient aider à contribuer justement à apaiser ou au moins apaiser les symptômes de ces voix envahissantes, mais malheureusement on arrive déjà à la fin de cette émission. Hélène Lavenbruck, je vous remercie vraiment d'avoir été notre invitée pendant cette heure. C'était tout à fait passionnant et je suis sûr qu'on aura l'occasion de reparler bien justement de ces voix intérieures à d'autres occasions, et on se fera un plaisir de vous réinviter. Merci beaucoup, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandra Delbo, Eve Etienne, Céline Lozen, Emina Guette-Saint-Vulfran, Natacha Triou, François Malordi, Antoine Beauchamp, Hélène Trigueros à la réalisation et souhaite de Boukorsa la technique. Demain, c'est un peu Noël avant l'heure, puisque nous recevrons en exclusivité Ted Chiang, qui est l'un des plus brillants auteurs de science-fiction actuels, multi-récompensé des prix Hugo, des prix Locus, des prix Nebula, alors qu'il n'écrit à peine qu'une vingtaine de nouvelles. L'une de ces nouvelles a d'ailleurs été adaptée au cinéma par Denis Villeneuve dans le film Premier Contact. Son deuxième recueil vient de sortir, enfin il est sorti cet automne, il s'appelle Expiration chez De Noël. C'est un véritable coffre au trésor. Demain donc, Ted Chiang dans la méthode scientifique. Et puis demain matin, on se retrouve à 7h15 pour la radiographie hebdomadaire du coronavirus, où il sera question du variant du virus qui a été détecté en Grande-Bretagne. Voilà, demain 7h15 pour la radiographie, demain 16h avec Ted Chiang pour la méthode scientifique, jusqu'à preuve du contraire.